moi, je ne t'aime pas. Je pousse mes crevettes. Le foie glace mon palais. Tu me suis, tu me suis toujours. Mon amour est si fort que je me décourage. Je tourne vers Neptune. Un feu s'éteint au fond de l'océan. Tu me suis, tu me suis toujours. Tu as été belle, tout finit par partir. Thank you.